confession d'un traître. Si français, ça bouge pas. Ah, du padre, voici les confidences. Parlons finances, le doute me coûte. Encombré ma route, mais je dois passer entre les gouttes. J'ai mal, j'ai fait mal, le mal par le mal. Au final, que du mal, servez-vous dans mes plaies. J'ai que ça à vous offrir. NZ fait ce qui lui plaît, c'est ça ou souffrir. Les plaisirs de la vie, les charmes de la nuit m'ennuient, mais qu'il en soit ainsi. J'excelle dans mon art comme Léonard de Vinci. Te retourne pas, c'est devant que je suis. La concurrence suffoque, Marianne s'offusque. Oui, ma musique à la violence incite. Claire-mère me pardonne, je n'épargnerai personne. J'étais un bon garçon avant d'être un glaçon. Romulus et Rémus, Nino et Gémoné, Zepek et Bene, Tony, Mani, ok. Je veux les manger un par un, les croquer de par deux, par deux. Y'a rien, rien. Je vous quitte comme de par Dieu, par Dieu. Les croquer de par deux, par deux. Y'a rien, rien. Je vous quitte comme de par Dieu. Les grands ont eu leur traître, on a eu nos traîtres. Y'a pas de mystère, les petits auront leur traître. Qui attend de l'aide, qui reçoit de l'aide, qui reste dans son bed à regarder son aide. On écoute même au bled quand le padre plaide. Qui fait même des lesbiennes, NZ les blême. Pour toi qui décide, moi je vise la réussite. Pendant que le peura et la street se racontent des mythes. Autosatisfaction, suçage de beat. Un G ne met pas bip, NZ est sur orbite. Ego, mélanco, c'est la rue gay ego. Si tu parles trop bigo, hasta luego. Laisse-les me croire fou, laisse-les me voir sous. Trahissez-vous, entre vous et surtout vengez-vous. J'ai banni mes amis, j'ai accueilli mes ennemis. Comme ça les mauvaises surprises, je les vois venir. J'ai un par un, les croquer de par deux, par deux. Y'a rien, rien. Je vous quitte comme de par Dieu, par Dieu. Les croquer de par deux, par deux. Y'a rien, rien. Je vous quitte comme de par Dieu. Balance ce que tu sais aux chiottes, t'en sauras déjà plus. Sur qu'est-ce que je m'échotte, tu n'en sauras pas plus. Le français moyen m'interprète. Les clichés de TF1 LED. La justice veut me couper la tête. J'ai pas vu l'entraide. Comme Stroma en amour je fais grève. Les coups de fil anonymes, c'est le pote d'un pote qui te donne. Ta meuf qui répond pas au phone, sache qu'elle se donne. Mon fils aura sa nouvelle console. Même si pour ça, faut que tu consommes. Confession d'un traître, j'en ai rien à foutre. Le destin des uns, les états d'âme des autres. Judas est un apôtre. Réalisez vos fantasmes en plein orgasme. Faites des AVC que je continue à avancer. J'efface littéralement, tais-toi physiquement. Le rap c'est ma jument, rien que je lui fais des gémeaux. Je veux les manger un par un, les croquer de par deux, par deux. Y'a rien, rien. Je vous quitte comme de par Dieu, par Dieu. Les croquer de par deux, par deux. Y'a rien, rien. Je vous quitte comme de par Dieu.